Arédros ! Tu reviens ! Tu reviens, Arédros ! Avec ton brandon terrible ! Pourquoi reviens-tu ? Ne m'as-tu donc pas assez profondément brûlé la poitrine jusqu'au sommet du cœur ? N'as-tu pas fait la place assez profonde pour la sainte relique ? Oh, possédé ! Quel nom invoques-tu ? Quelle est ta terreur ? Je veux que tu parles ! Je veux que tu me livres ton secret ! Ah, laisse-moi ! Lâche mes poignets ! Ne sépare pas mes bras de ma gorge ! Hein ? C'est toi, je le savais, c'est toi, l'ange exilé. Tu me retrouves. Je ne suis pas l'ange exilé ! Regarde-moi ! Je suis l'archer de Dieu ! Et le Seigneur m'inspire ! Ce que tu me caches, c'est lui qui me l'envoie. Si tu résistes, il faut que je te force. Il faut que tu me tues, que tu me cloues contre l'arbre, que tu m'arraches le cœur avec la chose sainte. Christ, Seigneur, serait-il vrai ? Oh, Seigneur Dieu, serait-il vrai ? Jésus, la force m'abandonne, à mon aide. Tu es brûlante comme le fer rougi. Dis-moi, créature de Dieu, dis-moi, serait-il vrai ce que ces hommes ont cru entendre de ta bouche en feu ? Tu l'as sur toi, répands, le linceul. Tu vis Joseph d'Arimathie et Nicodème envelopper le corps ? C'était du lin d'Égypte, léger comme du buis. Et c'est dans ta poitrine, tu le caches ? Laisse-moi, si tu n'es pas l'ange. Mes frères, je le vois à travers la pourpre resplendir. Mais quelle main d'homme pourrait y toucher ? Seigneur Dieu, et tu le portes sur ta chair, moite de fièvre. Je ne suis qu'une plaie divine. Et Galade n'a pas de baume pour moi qui l'oignit. Ma poitrine est au Seigneur comme ta paume. J'étais près du sépulcre cave. Le vigilant vint dans la nuit. C'était l'un des anges esclaves. Je ne tremblais pas devant lui. Or, les lins gisaient sur le sable. Et l'ange dit, « Je te salue, ô pleureuse. Tu es élue, car ta source est inépuisable. Pour garder ce qui de lui reste, tu es élue, oui, je l'atteste. Et le brandon des incendies flamboyait très haut dans son poing. Il m'atterra. J'atteste loin que tu es impur, accroupi. Oui, j'attendais. Oh, fille d'homme, il cria, je te mortifie, te purifie, te glorifie avec le brandon de Sodome. Et le déchu, qui par la faute connaissait la douceur des saints pâles, me marqua de son sein brûlant ma chair jusqu'aux côtes. Je ne criai ni ne mordis. Quand le feu toucha le sommet de mon cœur, seul mon cœur bondit vers le feu, muette, immobile, respirant l'horrible fumée, j'attendais. Et il dit, jubile, car la chose sainte a son lieu, et tu auras le diadème royal, la pourpre de Sidon et ta fièvre. Il prit le saint don vide où Joseph et Nicodème avaient posé le Fils de Dieu. Il le plia sur ma poitrine et il dit, tu le garderas. Homme, sous la croix de mes bras, je ne suis plus qu'une plaie divine. Messager inconnu, créée ou non créée, que tu sois faite de tes fièvres ou de tes larmes, que tu portes en toi des forces qui te sauvent, qui te damnent, je te salue, je me prosterne. À genoux, je te prie, décèle la croix de tes bras et révèle les empreintes du divin corps. Voici ma vie. Voici ma mort. Voyez son corps ensanglanté. Voyez l'horreur de son supplice. Voyez la plaie de son côté, le sang qui coule sur sa cuisse. Voyez ses cheveux sur son cou mouillés par la sueur sanglante. Voyez la blessure du clou qui lui transperça les deux plantes. Voyez sur l'épaule de loin marqué le poids de l'arbre infâme. Voyez sur l'œil le coup de poing dont le valet scella son blâme. Hélas, temple de la sublime tristesse où la honte a craché. Hélas, pleurez, pleurez vos crimes, il est meurtri par nos péchés. Dieu, rends-nous pareils à ton corps. Dieu, retrempe-nous dans la mort. Amour, que je sois assouvi. Seigneur amour, voici ma vie.